franceinter.fr. Il est revenu, cette affaire sensible, et c'est avec Fabrice Drouel. Tatin ! Allez Fabrice, à vous. Bien comme ça, merci Laetitia Gaillé. À tout à l'heure à 16h. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire des OGM, organismes génétiquement modifiés. Voilà bientôt 20 ans que ce nom un peu barbare, cet acronyme scientifique, accompagne nos discussions et nos traversées de rayons dans les supermarchés. On scrute les étiquettes et on interroge nos primeurs sur leurs fruits, leurs légumes, d'où viennent-ils, comment sont-ils produits? On se rue dans les rayons bio, on privilégie les produits AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée. On espère retrouver des produits IGP, indication géographique protégée. Et on s'arrache ceux qui sont estampillés label rouge. Il faut dire que de scandale sanitaire en scandale alimentaire, manger est devenu à la fois une crainte et un savoir qu'il est bien compliqué de suivre. Tout semble de plus en plus protégé, inventorié, contrôlé, sans qu'on en soit vraiment certain. L'alimentation est une affaire sensible, brûlante, une préoccupation majeure dont l'information se fait l'écho. L'avancée scientifique des OGM, portée par des firmes multinationales, est devenue en France et en Europe une question passionnelle, liant à la fois les milieux agricoles, le milieu politique, les consommateurs à qui on ne demande pas toujours leur avis, et les lobbies financiers qui, eux, donnent toujours le leur, et plus encore. Parce que l'alimentation est un ensemble de produits qui se vendent, qui augmentent et diminuent suivant la courbe des marchés et des innovations techniques. Alors, 20 ans après leur apparition, les OGM constituent-ils un progrès risqué? La précaution érigée en principe est-elle la bonne voie? Et puis, à qui profite vraiment cette avancée technologique du transgénique? Notre invitée aujourd'hui, Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice et écrivain, lauréate en 95 du prix Albert Londres. On lui doit plusieurs films et livres sur la question de l'alimentation, dont Le Monde, selon Monsanto, le plus célèbre, ou encore Notre poison quotidien. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valérie. Programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La décision est prise, la France sera le premier pays de l'Union européenne à cultiver du maïs génétiquement modifié. Le maïs transgénique avec, alors, à la fois... C'est un sacré problème. C'est un sacré problème. Et moi, je suis assez réservé. Mais nous avons considéré qu'un nombre très restreint d'espèces de plantes pouvaient d'ores et déjà être utilisées. C'est le cas donc de quelques espèces de maïs. D'une part parce que leur dossier est prêt depuis longtemps et pas de risque pour la santé. Mais. On est en otage de politiques polluantes depuis des décennies. Il faut en changer. J'espère que la France pourra montrer l'exemple. OGM, organisme génétiquement modifié. Voilà bientôt 20 ans que ce nom un peu barbare, cet acronyme scientifique, accompagne nos discussions de table et nos traversées de rayons dans les supermarchés. On scrute les étiquettes et on interroge nos primeurs sur leurs fruits, leurs légumes, d'où viennent-ils, comment sont-ils produits? On se rue dans les rayons bio, on privilégie les produits AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée. On espère retrouver aussi des produits IGP, indication géographique protégée. On s'arrache ceux qui sont estampillés label rouge. Il faut dire que le scandale sanitaire, un scandale sanitaire et alimentaire, eh bien manger est devenu à la fois une crainte et un savoir qu'il est bien compliqué de suivre. Tout semble de plus en plus protégé, inventorié, contrôlé, sans qu'on en soit vraiment certain. L'alimentation est une affaire sensible, brûlante, une préoccupation majeure dont l'information se fait l'écho. Pourtant, l'histoire des OGM débute comme un conte. Au début des années 90, un bruit court dans le milieu scientifique et agricole. Une solution magique aurait été trouvée dans les laboratoires américains. La solution qui a débouché sur la création d'une super plante qui résiste à des litres d'herbicides sans alterner sa croissance et sans mettre en danger l'homme et la nature, l'idéal. C'est alors une divine surprise dans le monde agricole en crise. Et la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Mais en Europe, les sujets autour du maïs transgénique apparaissent dans les colonnes de nos journaux dans un contexte particulier, il faut s'en souvenir. Nous sommes en 1996, la France notamment, sort de l'un des plus importants scandales alimentaires de son histoire, celui de la vache folle. On découvre alors sur nos écrans que nos chers bovins, servis dans nos cantines, cuisines et restaurants, sont nourris de cadavres en poudre, les fameuses farines animales. On s'alerte alors du manque de transparence et des approximations de la sécurité alimentaire. À partir de cette date, pour tout ce qui concerne l'alimentation, les gouvernements marchent sur des œufs. On parle de principes de précaution, de moratoire, on évoque des consensus, des nouvelles règles. Mais ces principes, sitôt annoncés, se cognent aux intérêts de nos pays partenaires, aux directives de l'Union européenne, aux pressions des Américains ou des lobbies des grandes multinationales. L'affaire des OGM n'est pas une histoire française, mais bien une affaire mondiale, globale. Et chaque année, on redistribue les cartes, on avance ses pions. Pour l'instant, ce sont les OGM qui, chaque jour, gagnent du terrain. En 2013, on estimait que 29 pays cultivaient plus de 160 millions d'hectares d'OGM, soit un tiers de la surface de la France. Trois sortes d'OGM sont cultivées en Europe, 194 aux États-Unis. Et pourtant, en 1997, au début de notre histoire, elles représentaient à peine 10 millions d'hectares dans le monde. Alors aujourd'hui, le principe de précaution est-il toujours de mise ? Avons-nous désormais assez de recul pour affirmer que les OGM présentent des risques sur la santé de l'homme et sur l'environnement en général, ou n'en présentent pas ? En France, la question des OGM s'est posée au milieu des années 90. Une entreprise pharmaceutique suisse, Novartis, une ancienne société chimique, propose avant tout le monde une nouvelle sorte de maïs, un maïs transgénique, le BT, résistant à la pyrale, cette chenille qui dévaste les champs en creusant un chemin dans les tiges. À son arrivée, le maïs BT reçoit un avis enthousiasmant des milieux scientifiques et des grandes structures agricoles françaises. Pourtant, le gouvernement d'Alain Juppé, alors aux affaires, hésite, tâtonne, brouille les pistes. Il faut dire que le traumatisme de la vache folle est encore dans toutes les têtes. En février 1997, le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, autorise la consommation humaine et animale de maïs transgénique. Puis, quelques jours après, l'alerte lancée par sa ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, il en interdit la culture. C'est la valse hésitation, on autorise sa consommation, mais on interdit toute forme de culture sur nos terres. À l'époque en France, la culture de maïs couvre près de 3 millions d'hectares. Pourtant, les politiques bricolent et sont désarmés face à ces nouvelles problématiques. Face à eux, les multinationales porteuses de ces nouveaux produits magiques s'organisent et lancent de grandes campagnes de communication. Ainsi, en 1997, l'une d'elles, Monsanto, prône sur nos écrans de télévision un nouveau monde grâce aux avancées de la biotechnologie. Nous voici à l'aube d'un nouveau millénaire. De nouvelles technologies vont nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Nous pourrons protéger notre environnement grâce à de nouvelles récoltes qui nécessiteront moins de pesticides. Nourrir une population croissante grâce à des nouvelles technologies qui permettront de produire plus avec moins. Et bénéficier d'une alimentation plus équilibrée, contenant moins de matières grasses et plus de vitamines. Et tout ça est déjà en train d'arriver grâce à la biotechnologie. Biotechnologie, biotechnologie, pour améliorer nos vies. Après la dissolution de l'Assemblée, une idée très originale de Jacques Chirac, la gauche dite plurielle n'a plus qu'à ramasser les fruits de la bévue politique du président. Et c'est donc aux mains du nouveau gouvernement de gauche que se retrouve le dossier OGM, la patate chaude. Alors on s'interroge, on consulte des scientifiques, on jauge les pour et les contre. Et le 27 novembre 1997, alors contre toute attente, le gouvernement de Lionel Jospin décide d'autoriser la culture du maïs BT, retoqué, rappelons-le, quelques semaines plus tôt, par la droite. Dominique Voynet, cofondatrice du Parti des Verts et nouvelle ministre de l'Environnement, s'explique devant les caméras sur ce choix surprenant. Le gouvernement a débattu et les décisions ont été prises à l'unanimité. D'une part, nous savons qu'il existe dans le public, parmi les citoyens, une grande attente d'un débat très large. Ce grand débat citoyen donc, sera organisé au cours des prochains mois. Nous avons par ailleurs décidé d'un moratoire sur la commercialisation et la mise en culture de toutes ces plantes génétiquement modifiées. dans l'attente des résultats de ce débat citoyen, ce qui est bien normal. Mais nous avons considéré qu'un nombre très restreint d'espèces de plantes pouvaient d'ores et déjà être utilisées. C'est le cas donc de quelques espèces de maïs. D'une part parce que leur dossier est prêt depuis longtemps, mais d'autre part parce que nous sommes absolument certains qu'il n'existe pas de risque de dissémination de transgènes dans l'environnement et pas de risque pour la santé. Le gouvernement français prend tout le monde de court. Dans les médias, les deux camps s'écharpent. Côté pour, on retrouve des personnalités comme Axel Kahn ou Bernard Kouchner, ministre de la Santé à l'époque, qui déclarent que les OGM ne sont pas la marque du diable, mais la marque du progrès. Les Verts, eux, ont des haut-le-cœur. Des élus écologistes se désolidarisent de leur ami et ministre Dominique Voynet. Au Parti Socialiste aussi, c'est l'étonnement. Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, confie sur le plateau de Michel Field toute son inquiétude. Il y a une position qui en France alors est intenable, c'est que on autorise l'importation de maïs transgénique, mais on ne peut pas le produire. Bon, alors ça, évidemment, ça ne peut pas durer longtemps. Il vient de l'étranger, essentiellement des États-Unis, mais on ne peut pas le produire. Donc le gouvernement a raison de mettre les choses sur la table et dire est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire maïs transgénique? Ça veut dire qu'il y a un gène qui est chargé, comme on dit, d'un insecticide qui arrive à se débarrasser d'une chenille qui est très dangereuse pour le maïs et qui détruit 30% du maïs. Donc évidemment, avec ce nouveau maïs dit transgénique, où il y a une mutation d'un gène, il n'y aura plus de risque de subir les dégâts de cette chenille. Alors on dit c'est très bien, mais, le problème c'est qu'il faut étudier si le maïs transgénique, lorsque les animaux le mangent, ça n'a pas des conséquences sur les animaux. Et lorsque l'homme lui-même mange ces animaux. Ça rappelle des histoires qu'on a connues. Bon. Évidemment. Lionel Jospin et son gouvernement ont tranché, l'autorisation est donnée. Pour les opposants aux OGM, le loup est dans la bergerie, il faut agir. Au début de l'année 1998, à la Confédération paysanne, un bruit court. La société Novartis aurait rassemblé son stock de maïs transgénique dans un seul endroit de France, à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Le 8 janvier, trois syndicalistes agricoles, éleveurs dans l'Aveyron et dans la Lozère, inconnus du grand public pour l'instant, René Rizel, Francis Roux et José Beauvais, pénètrent dans ce coffre-fort à OGM. Les trois hommes éventrent quelques sacs et mélangent du maïs ordinaire à du maïs transgénique, le rendant ainsi inutilisable. La gendarmerie débarque et arrête les trois hommes. Ils sont mis en garde à vue. Aussitôt, la presse est prévenue. Un rassemblement de la Confédération paysanne est organisé devant la gendarmerie sous l'objectif des caméras. La bataille médiatique contre les OGM débute là, devant la gendarmerie de la ville de Nérac. C'est pas que le paysan qui est touché, c'est le consommateur. Et à travers les paysans et les consommateurs, c'est aussi les citoyens qui ont été complètement écartés du débat. Donc on demande un débat parlementaire au gouvernement et un moratoire actuellement, parce qu'il faut savoir que quand même les chercheurs sont très divisés sur ce problème. C'est la première fois dans l'histoire que nous avons des gardes à vue. Nous allons donc nous constituer prisonniers pour soutenir nos camarades. Ces trois personnes, ces trois figures représentent en fait 300 personnes qui ensemble ont mené cette action. Le 3 février 1998, les trois agriculteurs sont présentés devant le juge. Et le procès devient une tribune. Et les OGM sont à la barre. Des scientifiques comme le chercheur au CNRS Gilles-Éric Serralny ou la présidente de l'association UFC Que Choisir décident de témoigner et demandent un moratoire sur la production des plantes génétiques. Les trois agriculteurs, eux, sont condamnés, 9 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis d'un sursis pour René Rizel et José Beauvais, et 4 mois, dont 2 avec sursis pour Francis Roux. Mais c'est avec le sentiment du devoir accompli que les trois condamnés s'expriment devant les caméras. Le ministre vient de dire à notre porte-parole que l'accord pour le maïs Novartis n'est qu'un accord momentané et qu'il pourra être remis en cause à tout moment. Nous empêcherons par tous les moyens la libre circulation de cette semence, au champ comme dans les dépôts. Pour nous, c'est une victoire, ça veut dire que l'action que nous avons menée est en train de porter ses fruits. Et maintenant, la parole est un peu à la population, à la citoyenneté déjà. Satisfait de ce premier coup et de ce retentissement qu'il a eu, la Confédération paysanne continue ses actions de sensibilisation et d'autres lui emboîtent le pas. Le 17 juin 1998, à la veille de l'ouverture de la conférence des citoyens sur les OGM, l'association Greenpeace lance une action dans les supermarchés. Des militants de l'ONG retirent des rayons, sous les yeux ébahis et interloqués des clients, l'ensemble des produits soupçonnés de contenir du maïs ou soja transgénique. Les caddies sont pleins. On découvre que près de 60% des produits d'usage courant vendus en supermarché, comme du chocolat, de la margarine, de l'huile de table, des biscuits apéritifs, contiennent des produits OGM. Pourtant, aucun étiquetage ne le stipule, comme le souligne un militant de Greenpeace. On demande au niveau du magasin, au niveau de la direction d'Auchan, que soient marqués bien précisément au niveau des consoles les produits qui contiennent des OGM par rapport aux produits qui n'en contiennent pas, de telle manière que le consommateur soit au courant. Tout ce que je peux vous dire, c'est notre bonne volonté pour la transparence et qu'en ce qui concerne les produits Auchan, nous ne voulons pas d'OGM dans les produits Auchan. Maintenant, moi, je ne peux pas me mettre à la place des fabricants. Il y a aussi l'industrie derrière, il y a l'agriculture. Avec cette action, Greenpeace change la donne et déplace le débat, cloisonné pour l'heure au laboratoire des scientifiques et au couloir du Parlement européen. L'organisation écologique le place au centre de nos assiettes. Dès le lendemain, les quelques personnes invitées à débattre devant les caméras à la conférence citoyenne sur les OGM initiée par le gouvernement s'interrogent, s'inquiètent. Sommes-nous des cobayes consentants ? Je ne sais pas si ça peut changer le cours des choses. Tout ce que j'espère, c'est que bon, on va donner un avis et j'espère que ça sera entendu. Voilà. Aujourd'hui, on part sur un grand match. C'est pas la Coupe du Monde, mais l'Europe contre les États-Unis, à mon avis, il va falloir qu'on soit compétitif. En fait, ce qu'il y a pour moi d'important, c'est la santé avant tout, et le risque que les enjeux économiques, en fait, mangent un peu tout le reste. Quelques semaines plus tard, à la suite d'une requête de Greenpeace, le Conseil d'État met un coup d'arrêt à l'autorisation accordée un an plus tôt au maïs BT de Novartis. Il suspend la culture et la commercialisation du maïs transgénique. C'est que les OGM sont devenus un dossier brûlant pour le gouvernement. Alors il recule. En juin 1999, la France de Lionel Jospin et de Jacques Chirac prône une suspension des nouvelles autorisations de mise sur le marché de lignées d'OGM. Le 21 octobre 1999, le Comité permanent des produits alimentaires de l'Union européenne décide de rendre obligatoire l'étiquetage des produits alimentaires contenant au moins 1% d'organismes génétiquement modifiés. C'est une première victoire. De l'autre côté de l'Atlantique, les OGM progressent et ne cessent de progresser. En l'an 2000, quelques 45 millions d'hectares sont plantés dans le monde. Les États-Unis en cultivent près de 68%. Les chiffres d'affaires annuels du marché mondial des semences s'élèvent alors à plus de 45 milliards d'euros. Je vous parle d'un champ que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence. Que de progrès perdus si ces belles semences sont brûlées dans la rue. L'OGM, l'OGM, on a beau dire, mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. Dès qu'on dit transgénique, ça y est, c'est la panique. L'écolo se ramène, refusant le destin d'un merveilleux festin. Ils me font de la peine, mais je sais que demain on percevra les gains de ces petites graines. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie. L'OGM, l'OGM, on a beau dire, mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM, nous muterons un jour sur deux. L'OGM, l'OGM, on a beau dire, mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM. Tant pis si je n'ai qu'un bras sur deux. Après l'arrêt obtenu en 1999, le débat retourne dans les méandres des institutions européennes et françaises. Des rapports sont publiés. La France, devenue le porte-étendard du principe de précaution et du moratoire, fait face aux résistances du Parlement européen, dont elle doit suivre pourtant les orientations. Au niveau international, la pression américaine, premier producteur d'OGM, est de plus en plus forte. Depuis l'échec du traité commercial transatlantique NTM, qui devait instaurer une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, les relations sur le plan commercial sont de plus en plus tendues. En 2003, Washington décide même de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre le moratoire européen. À la même époque, en France, la résistance contre les OGM s'intensifie. José Bové et ses compagnons multiplient les actions d'arrachage, puis de fauchage de cultures transgéniques. En juin 2003, sur le plateau du Larzac, haut lieu de résistance des années 70, fort en symbole, la Confédération paysanne lance le mouvement des faucheurs volontaires. Un an plus tard, le 25 juillet 2004, ils sont près d'un millier pour une action de grande ampleur à Mainville. Dans ses rangs, à côté du désormais médiatique José Bové, figurent des hommes politiques comme le député écologiste Noël Mamère. Une très grande majorité de Français et d'Européens ne veulent pas d'OGM dans leur assiette. Et pendant que je vous parle, un gendarme vient de me prendre en photo. Je ne me mets pas hors la loi, c'est la loi qui elle-même se met hors de la société. Aujourd'hui, c'est notre devoir de citoyen d'agir dans cette action de désobéissance civile. J'assume la totalité de l'acte que j'ai commis, c'est-à-dire du pied de maïs que j'ai arraché. Publiquement, on est venu détruire la nourriture qui risque de nous tuer demain. Quoi. Le schéma de Nérac se répète. Fauchage, médias, procès. Les OGM sont devenus un sujet incontournable des médias. À chaque action, les micros et les caméras sont présents. OGM comme organisme grandement médiatique. José Bové lui devient une vedette. Il parle bien, il a de l'allure. José Bové semble comme un poisson dans l'eau, dans le bain médiatique. Alors on s'arrache, se rebelle, cet Astérix moderne. Le matin à la radio, le soir à la télé, A Star is Born pour la cause. En novembre 2004, le procès du fauchage de Mainville fait sale comble. On vient assister au dernier numéro de José Bové de ses compagnons. La veille, il rappelle devant les militants l'enjeu de ce rendez-vous judiciaire. Bonsoir. Écoutez, ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors évidemment, nous, on est un peu frustrés parce qu'on va repartir juste après. Parce qu'il faut qu'on prépare le procès de demain. Donc là, on est au moins 4 déjà ici qui sont présents sur la scène, qui vont faire partie de ces 9 qui vont être devant le tribunal demain. Ça va être un procès, pas de ces 9 personnes, mais ça va être un procès de l'État français qui a laissé faire des OGM dans les champs. Ça va être un procès de la justice qui n'a pris que 9 personnes alors qu'il y avait plus de 1000 personnes qui ont fait cette action. Ça va être en fait un procès aussi de l'Union européenne qui refuse la démocratie et qui, malgré les votes majoritaires du Parlement, mettent en place des directives qui n'ont rien à voir avec ce que veulent les citoyens. Donc pour nous, demain, ça va être un procès offensif. Ça va pas du tout être, on ne va pas du tout être là pour se défendre, pour s'excuser devant la justice, mais au contraire pour attaquer. Et ce que je vais dire demain à la magistrate, à la présidente du tribunal, c'est qu'elle n'a que 2 solutions dans ce procès. Ou elle nous relaxe tous les 9, où elle nous met alors la peine maximum qui peut être de 5 ans. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on va continuer. Demain, ils vont dire la même chose. Donc pour nous, on sait qu'on risque la peine de prison pour ces actions. Mais demain, on est prêt à recommencer. On sait qu'on sera encore plus nombreux. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 faucheurs qui se sont inscrits pour continuer les actions. Donc ces actions, on va les mener partout. On va les mener dans les champs. On va les mener dans les supermarchés pour virer les OGM des supermarchés. Et chacun doit agir, chacun ici pour construire un monde plus juste et plus solidaire sans OGM. Merci. Toujours en novembre 2004, 9 faucheurs comparaissent devant le tribunal, dont le député européen écologiste et vice-président du Parlement européen, Gérard Onesta. Après un an de procédure et d'intervention médiatique autour du procès, la Cour d'appel de Toulouse condamne José Bové à 4 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis pour les élus écologistes, dont Noël Mamer et Gérard Onesta. 100 000 euros de dommages et intérêts sont également réclamés aux condamnés. Et pendant ce temps, les grandes firmes poursuivent leur lobbying auprès des autorités européennes. C'est leur intérêt, bien sûr. Mais ce ne sera pas sans dommages en termes d'image. En 2007, c'est l'OGM Mont-810 de l'entreprise américaine Monsanto qui se retrouve au cœur de la bataille des OGM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, lance le Grenelle de l'environnement où le dossier épineux du transgénique est débattu. Le devoir de précaution a laissé place au droit de sauvegarde, c'est-à-dire le droit pour chaque pays de l'Union d'exclure du traitement communautaire certains produits. Lors du Grenelle de l'environnement, la haute autorité provisoire des OGM est créée. Sous la houlette du sénateur UMP Jean-François Legrand, elle effectue une étude sur le Mont-810, seul OGM autorisé en France. 10 ans après le coup de Nérac, le 7 février 2008, le gouvernement suspend l'autorisation de culture de la seule plante génétiquement modifiée autorisée en France, le fameux Mont-810. Une nouvelle loi relative aux OGM est promulguée en juin 2008. Au niveau mondial, l'expansion des OGM ne ralentit pas. Les surfaces cultivées atteignent 114 millions d'hectares. Plus de 12 millions d'agriculteurs cultivent désormais des OGM dans plus de 20 pays sur cette planète. En revanche, aucune étude sérieuse sur l'impact réel des OGM et de leur culture n'est lancée. En fait, une seule vérité est indiscutable. Les OGM rapportent beaucoup, beaucoup d'argent. En 2014, pour le seul deuxième trimestre, Monsanto, la star des firmes agrochimiques et numéro un mondial des OGM, a enregistré un bénéfice net de 1,670 milliards de dollars, une progression de plus de 12% en un an seulement. Une grande partie de ces bénéfices proviennent de la vente de la star des herbicides Roundup. L'avantage des OGM de Monsanto, c'est qu'ils résistent à Roundup, l'herbicide de Monsanto. Les OGM se vendent toujours en pack, semences génétiquement modifiées et résistantes à l'herbicide vendu par la même société. Un deux en un, en quelque sorte, pratique et super rentable. Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le désherbant 100% biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et il ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, désherbé intelligent. Aucun problème donc, cet herbicide est magique. Il ne pollue ni la terre, ni l'homme, c'est du moins ainsi qu'il est présenté en 1999. Pourtant, en septembre 2012, une étude menée par le chercheur français Gilles-Éric Cerlini jette un froid sur le monde et sur les OGM. L'étude est accompagnée de photos de rats déformés par de gigantesques tumeurs. Ces photos font le tour du monde en quelques instants grâce aux réseaux sociaux et sèment un peu plus le trouble dans l'opinion. Dans cette étude, le chercheur français suggère que des rats nourris avec du maïs NK603, un OGM tolérant l'herbicide Roundup de Monsanto, développent des pathologies et des tumeurs importantes. L'opinion est sous le choc. Le débat sur les OGM réapparaît de nouveau dans nos médias. Devant les caméras, le professeur Cerlini, accompagné par son ami et eurodéputé Corinne Lepage, lance l'alerte. Ces résultats de tests sur un maïs tolérant au Roundup, un maïs sans Roundup et le Roundup, nous montrent une progression incroyable des tumeurs, une mortalité, une surmortalité dans les groupes traités et des pathologies rénales et hépatiques chez les mâles qui sont extrêmement graves, des perturbations biochimiques rénales chez les femelles. Les conséquences peuvent être celles d'une intoxication chronique à long terme qui effectivement met en jeu le foie et les reins et des cancers du sein si ces phénomènes hormonaux dépendants se confirment chez l'homme. On est dans un système d'irresponsabilité organisée où les firmes qui fabriquent les OGM ont obtenu que les études sur la santé ne soient pas faites, c'est-à-dire sur des rats, ne soient pas obligatoires et le soient sur des durées très courtes, 90 jours. Or, l'étude menée par le professeur Cerlini montre qu'on ne voit rien sur le plan clinique à 90 jours. Je pense qu'on est en face de tous les éléments d'un scandale sanitaire. Donc, moi, ce que je demande aujourd'hui, en tant que députée européenne, c'est que tous les OGM consommés en Europe fassent l'objet d'études sur 2 ans comme nous l'avons fait, et que d'ici là, des mesures de précaution soient prises à l'égard des consommateurs européens. Le chercheur est alors attaqué de toutes parts. Protocole inadéquat, puissance statistique trop faible. Le débat s'ouvre au sein du milieu scientifique entre les procès alignés et les contres. Cette controverse d'experts, à laquelle on ne comprend rien, a au moins l'avantage de cibler l'absence d'informations scientifiques et surtout neutres sur les OGM et son ombre, le désherbant Roundup. En 2013, seules 3 études de vie entière auraient été menées sur des rats. Mais chacune propose des résultats contradictoires, minimisant ou non l'impact des OGM sur la nature et la santé de ses rats cobayes. Aujourd'hui, aucune étude sur la santé du bétail nourri aux OGM n'a été lancée. Alors, est-il impossible d'obtenir des données neutres et complètes sur l'impact des OGM? Sommes-nous toujours des cobayes? Depuis 20 ans, le dossier des OGM est comme un serpent de mer qui apparaît et disparaît selon les actualités, les modifications des règles nationales, européennes et internationales dans le domaine du commerce, de l'agriculture ou de la science. L'Europe est au centre de cette bataille menée depuis près de 20 ans. L'objectif des grandes firmes multinationales telles que Monsanto, à des puissances nationales qui les soutiennent, notamment les États-Unis, c'est d'obtenir une autorisation des OGM sur l'ensemble de la planète. Encore une fois, l'Europe n'arrive pas à proposer une politique commune. Au sujet des OGM, l'Espagne et le Portugal produisent du Mont 810 de Monsanto, contrairement à la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ou la Grèce. Face à ces choix divergents en juin dernier, les ministres de l'Environnement, dont Ségolène Royal, ont lancé la réforme du processus d'autorisation des OGM en Europe, ce qui devrait mettre fin à la bataille politique et juridique, peut-être. Les différents ministres de l'Environnement prônent une législation à la carte, laissant le droit à chacun d'interdire ou non la culture des OGM sur leur territoire. La balle est désormais entre les mains des parlementaires européens qui devront légiférer sur ce nouveau cadre européen. Presque 20 ans après, la nouvelle aide proposée par les multinationales agrochimiques est-elle aux portes de l'Europe? En Amérique latine, au Brésil ou en Argentine, qui sont devenus les deuxième et troisième pays producteurs d'OGM, quelles sont les conséquences sanitaires dans ces pays? La suite, ce sera avec notre invité, José Bové. Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours. 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Le poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Alors je vous rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste d'investigation, nous devrions tous être journalistes d'investigation, c'est pas toujours le cas, mais c'est le vôtre. Réalisatrice, écrivain ou écrivaine, comme vous voulez, lauréate en 95 des prix Albert Londres, vous êtes l'auteur de nombreux films et livres sur la question de l'alimentation, dont Le Monde selon Monsanto ou encore Notre Poison Quotidien. Alors vous l'avez entendu dans la première partie du récit, nous sommes revenus sur l'émergence de ces débats en France durant les années 2000, c'est à la même période hein, que vous commencez commencé votre travail sur Monsanto, dont tout le monde connaît le nom, sans avoir vraiment savoir vraiment à quoi cela correspond. En tout cas, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette histoire, à l'histoire de l'alimentation, à cette multinationale? Est-ce que vous vous sentez personnellement concerné par cela? Oui, alors, d'un point de vue professionnel, c'est tout un parcours, mais c'est vrai que les parcours professionnels sont alimentés par des histoires personnelles. Et dans mon cas, je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson de Nougaro. Vous vous rappelez de la belle chanson? Et sur une ferme qui pratiquait l'agriculture industrielle. Donc pendant très longtemps, je ne me suis pas posé de questions sur ce modèle. Parce que voilà, mon père faisait ça, il pensait que c'était la meilleure manière de nourrir le monde. Et c'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs qu'il ne faut pas jeter la pierre à ces paysans qui sont retrouvés embarqués dans cette aventure complètement folle. C'est ce que je dis aujourd'hui. Mon père le dirait aussi, même s'il est très âgé. Alors, Monsanto, c'est venu tout petit à petit. Alors, bien sûr, j'avais entendu parler de l'agent orange, vous savez, qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui était un cocktail de deux herbicides très toxiques. Et puis, en 2005, j'ai fait deux films pour Arte qui concernaient les semences. Magnifique thème. Parce que vous savez, celui qui contrôle les semences, il contrôle tout, bien sûr. Et en faisant ce film, j'ai découvert qu'il y avait des brevets sur les semences, un truc qui me paraissait incroyable. Comment peut-on breveter une semence, vous voyez? Et que derrière, il y avait toujours une compagnie. Quand j'étais en Inde, on m'en parlait. Quand j'étais aux États-Unis, on m'en parlait. Quand j'étais au Canada, on m'en parlait. Monsanto. Et je me souviens que j'ai fait ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire que je suis rentrée chez moi d'un voyage en Inde et j'ai tapé Monsanto. Et alors? Dans un moteur de recherche que je ne nommerai pas. Et donc? Et là, j'ai découvert un truc incroyable. Et je vous mens pas, j'ai passé des semaines, trois mois, jour et nuit, parce que c'était fascinant. Il y avait tout sur la toile. Il suffisait de télécharger, recouper, vous voyez. Et puis, je suis allée voir Arte, j'ai dit voilà, il faut faire un film. Et c'était Le Monde selon Monsanto. Et le titre est d'ailleurs effectivement très pertinent, Le Monde selon Monsanto, qui suggère le fait que Monsanto domine le monde, quelque part. Oui, alors pas tout le monde, mais son pouvoir est énorme. Oui, le premier titre auquel nous avions pensé, c'était Une compagnie qui vous veut du bien. C'était en référence à un film que j'aimais beaucoup, Un ami qui vous veut du bien. Et puis, en montant le film, j'étais en train de raconter que Monsanto est en train de racheter partout toutes les compagnies semencières de la planète. Et je me suis dit, mais... Et c'est énorme, parce qu'en plus, il faut savoir que quand ils rachètent les compagnies semencières, ils imposent des OGM, lesquels sont brevetés, et ça veut dire que les agriculteurs n'ont plus le droit de ressemer une partie de leur récolte, comme faisait mon père, pour ensemencer leur champ l'année d'après. S'ils le font, on le voyait dans mon film, aux États-Unis, ils envoient la police des gènes et ils font un procès aux paysans pour violation du brevet. Et là, je me suis dit, s'ils achètent toutes les compagnies semencières du monde en imposant des OGM brevetés, eh bien, ils contrôleront toute la chaîne alimentaire. Parce que la chaîne alimentaire, le premier maillon, c'est quoi? C'est la semence. C'est la semence qui donne la plante, qui donne... Eh oui. Et là, je me suis dit, c'est le monde... Bon, j'avais Le Monde selon Garp, c'était un bouquin que j'avais adoré quand il était sorti, mais c'est Le Monde selon Monsanto. Parce qu'encore une fois, qui contrôle les semences contrôle le monde. Monsanto est devenu le leader mondial des OGM, justement, par cette stratégie de rachat. Monsanto a des concurrents tout de même, non? Oui, bien sûr, ils ont des concurrents. Alors, pour ce qui est des gros aussi. Oui. Les Suisses, notamment. Oui, ils ont Syngenta, par exemple. Mmh. D'ailleurs, il y a eu un moment, tentative de mariage, c'est carrément de l'inceste, hein, mais enfin, bon, voilà. Aux États-Unis, par exemple, où je suis allée, évidemment, pour cette enquête, c'est un vrai problème aujourd'hui. Si on veut, un agriculteur veut cultiver des plantes non OGM, il ne sait plus comment faire parce que toutes les compagnies semencières, la grande majorité, ont été rachetées par Monsanto. D'ailleurs, à l'époque, et ça continue, il y avait plusieurs class actions en cours, vous savez, cette possibilité... Action de groupe. Voilà, action de groupe. Parce qu'on soupçonnait, c'est plus qu'un soupçon, Monsanto de violer la loi antitrust américaine. Mais ça a des répercussions en Inde. Par exemple, les paysans indiens qui ont beaucoup de problèmes avec leur coton BT, qui est un coton OGM, qui a été manipulé pour pouvoir sécréter en permanence un insecticide. Ça ne marche pas du tout dans les champs, etc. Et ils n'arrivent pas à trouver des semences non transgéniques parce que justement, Monsanto a racheté toutes les compagnies semencières. Donc c'est un gros enjeu. Et avec la mondialisation, évidemment, l'enjeu... Enfin, Monsanto a la partie belle, forcément. Bien sûr. Alors, il y a un autre aspect aussi qui est très important que je découvre récemment parce que je prépare un nouveau film sur le Roundup. Vous savez, c'est l'herbicide. On va en parler après. De Monsanto. Absolument. C'est l'aspect environnemental aussi, hein, qui est très important parce que il faut savoir que la majorité des OGM cultivés aujourd'hui ont été manipulés pour pouvoir être arrosés de cet herbicide très connu des jardiniers. J'espère que ceux qui nous écoutent les ont rapportés à la jardinerie, hein, plus le temps. Mais voilà. Et c'est un énorme désastre sanitaire et environnemental. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on n'a pas forcément le choix par rapport aux OGM. D'ailleurs, y compris en France, si on mange certains produits issus de l'élevage de bêtes qui se sont nourries avec des plantes OGM. Oui. Et puis aussi, il y a le phénomène de la pollinisation. C'est-à-dire qu'on a des terrains qui seraient OGM, des terrains non OGM. Malheureusement, il y a une pollinisation de l'un vers l'autre. On est d'accord. Alors ça, c'est vrai pour le maïs, oui. Parce que c'est son mode de reproduction. Mm-hmm. Alors, comme vous l'avez dit, pour l'instant, en Europe, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, il n'y a pas d'OGM cultivé dans les champs. Mmh. En revanche, nous importons du soja transgénique d'Argentine ou des États-Unis, donc manipulé génétiquement, pour alimenter nos élevages intensifs. Les ports de Bretagne intensifs, hein, sont nourris avec du soja importé qui arrive au port de Lorient. Et ça, c'est un paradoxe parce que d'un côté, grâce à l'action menée par ceux que vous avez décrits dans une émission, notamment Greenpeace, etc., pour empêcher les cultures OGM, on a donc obtenu l'étiquetage, vous savez, des produits qui contiennent directement des OGM. Si vous avez des bonnes lunettes et que vous allez dans le supermarché, vous pouvez choisir des aliments sans OGM. Il faut avoir de très bonnes lunettes. Hein, parce que, voilà. Et du temps. Et du temps. Et donc, l'obligation consiste à, on doit absolument écrire s'il y a des OGM, d'accord ? Mais en revanche, l'étiquetage n'est pas exigé pour les animaux qui sont nourris avec des OGM. Et ça, c'est complètement paradoxal. C'est quelque chose que des associations, à juste titre, à mon sens, demandent depuis longtemps. Il faut aller jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce qui vous interpelle et vous révolte, que vous avez envie de dénoncer, parce que c'est aussi la mission d'un journaliste ? C'est le fait que Monsanto impose sa loi, hein, avec cette entreprise multinationale, ces tentacules terribles, ou le fait que les OGM peuvent être dangereux, sachant que le débat est compliqué, parce que la preuve qu'ils sont dangereux n'a jamais été apportée, mais la preuve qu'ils ne sont pas dangereux n'a pas été apportée non plus. Quel est l'enjeu principal ? C'est un enjeu sanitaire ou un enjeu économique ? Ou les deux ? Les deux. Le monopole de Monsanto sur la chaîne alimentaire est une préoccupation évidente. Parce que c'est un danger pour la souveraineté alimentaire des peuples. Si on veut pouvoir nourrir le monde véritablement, moi j'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Les Moissons du Futur, il faut sortir de ce modèle et permettre aux petits paysans de pouvoir vivre de leur production. Et ce modèle qu'incarne Monsanto, qui est un modèle hyper-productiviste et capitalistique, c'est-à-dire il faut beaucoup de capitaux, ce sont des grandes fermes, etc., prive les petits paysans des possibilités de continuer à exercer. On le voit d'ailleurs, hein, parce qu'en Argentine, par exemple, pays que je connais très bien, où je suis allé plus de 20 fois déjà, on voit comment en 20 ans, les OGM ont conquis la Pampa, la fameuse Pampa, mmh. Vous savez, c'est le pays de la vache et du lait. Hein. Bien sûr. 22 millions d'hectares semés de soja transgénique. Les fermes ont eu tendance à grossir énormément, les petits paysans sont partis, et on importe du lait maintenant en Argentine. Enfin, c'est absolument incroyable. Alors ça, c'est très important pour l'enjeu, c'est la souveraineté alimentaire. Et bien sûr, évidemment, la question sanitaire est aussi très importante. Alors, vous l'avez dit, on n'a jamais apporté la preuve. Il y a des études qui l'ont fait, hein, quand même. Il faut rendre hommage à certains scientifiques, comme Gilles-Éric Serralini en France, parce qu'il a fait un travail là-dessus. Manuela Malatesta en Italie. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, mais ils ont eu beaucoup de problèmes. Mais voilà. Alors, la manipulation génétique en tant que telle, c'est un problème, parce que ça. Monsanto n'a jamais fait d'études sérieuses montrant que c'était pas un danger en soi. Mais il y a un autre problème qui se greffe là-dessus, c'est que ces OGM, majoritairement, ont été conçus pour pouvoir être arrosés par un herbicide qui est le Roundup. Alors, parlons-en du Roundup. Celui-là, il a l'air particulièrement préoccupant. Parlez-nous du Roundup. Alors, le Roundup, c'est un herbicide total, hein, comme on dit, donc ça tue tout, les mauvaises herbes. Voilà, c'est fait à partir de glyphosate, c'est la molécule active, hein. Mm-hmm. Et c'est l'herbicide le plus vendu au monde. Alors, c'est utilisé par les jardiniers du dimanche, hein, malheureusement. Et très longtemps, beaucoup de communes l'ont utilisé pour désherber, etc. Alors, l'un des impacts du monde sur le Monsanto, je dis parce que je le sais, ça a été que les communes se sont réveillées et il y a de plus en plus de communes qui se sont déclarées sans pesticides. Hein. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et le Roundup est aussi associé donc à des OGM, qui sont des plantes manipulées pour pouvoir être arrosées par cet herbicide très puissant. C'est ce qu'on appelle les OGM Roundup Ready, ça veut dire prêt pour le Roundup. Donc ça veut dire que vous avez un soja, vous l'arrosez de Roundup, le Roundup détruit toutes les mauvaises herbes et le soja n'est pas affecté, d'accord ? Mais le soja en question, il est évidemment imbibé de Roundup. Mmh. Alors très longtemps, on a un petit peu ignoré cet aspect-là, même si on y pensait. On pensait surtout à la manipulation génétique, qui est un vrai problème. Hein. Mais je découvre aujourd'hui, parce qu'on a du recul, vous comprenez ? Ça fait 20 ans que ces OGM Roundup Ready sont cultivés en Amérique du Nord et du Sud principalement. Eh bien, on se rend compte d'un désastre sanitaire. Je pars bientôt en Argentine pour documenter tout ça. Absolument incroyable, parce que cette molécule, le Roundup et le glyphosate, donc la molécule active, a été reconnue comme cancérigène probable par les humains par l'OMS récemment. Oui. C'est un perturbateur endocrinien. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que c'est une hormone de synthèse qui prend la place des hormones naturelles qui sont dans l'organisme, et donc qui a un impact très important, notamment sur les fœtus. Et ça veut dire qu'une femme qui est exposée pendant sa grossesse, elle peut avoir ensuite un enfant qui a des malformations congénitales. Et vous verrez, il y a beaucoup d'études qui le montrent, des études expérimentales sur des animaux, hein, mais aussi épidémiologiques. C'est aussi une molécule qui est... Monsanto a obtenu un brevet sur le glyphosate, c'est un antibiotique très puissant. Donc on balance des antibiotiques dans la nature, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est... Et le Roundup est partout. Dans l'air, dans l'eau de pluie et dans les sols et sur les aliments. Donc c'est le fléau, quoi. Oui. Bon. Oui. Alors il y a quand même heureusement des réactions citoyennes. C'est pas facile. Hein. Si je prononce devant vous le nom de Paul François, hein, oui. Vous savez de. Bah, dites-nous. Ah bah, je le connais très bien parce que c'est vraiment moi qui l'ai fait connaître en fait. Parce que quand j'ai fait Notre Poison quotidien. Il était au début du film. J'ai rencontré Paul lors d'une projection du Monde selon Monsanto à Ruffec. Il était à l'époque très déprimé parce qu'il était tout seul, voilà. Et quand j'ai fait le film Notre Poison quotidien, je l'ai filmé dans la première réunion qui a donné naissance ensuite à Phytovictime et je l'avais invité à la projection à la presse. Et c'est à partir de là que son histoire a été connue partout et j'en suis ravi parce qu'il a porté plainte contre Monsanto. Vous savez, il a été gravement intoxiqué. Alors justement, on va l'entendre. Puisque je vous parlais de lui, c'est parce que nous allons l'entendre maintenant. Ma vie, c'est déjà une épée de Damoclès en permanence sur au-dessus de ma tête, parce que j'ai des check-up complets qui montrent que j'ai des lésions au niveau du cerveau qui sont présentes, qui évoluent de façon très très doucement, mais on ne sait pas vers quoi ça évoluera. Les neurologues... Bon, voilà, ça, c'est une chose. Et puis, il y a des périodes où je ne peux pas travailler. Je suis obligé de rester allongé, des fois pendant plusieurs jours, parce que les douleurs au niveau de la tête sont insupportables et qu'il faut des dérivés de morphine pour arriver à les calmer. Et donc, ma vie de professionnel n'est plus du tout la même qu'avant 2004. Et puis, des périodes de fatigue énormes. Alors, je suis souvent discret par rapport à ça, parce que les gens qui me connaissent, ils me disent, mais quand on te voit certains jours, on ne peut pas imaginer que tu es malade. Il n'y a que mes proches ou les médecins qui savent très bien que malheureusement ce n'est pas tout à fait la réalité. Et de toute manière, ma vie a été bouleversée après cette intoxication. Il n'y a pas de raison qu'une firme soit au-dessus des lois et si elle était responsable et si elle avait retiré d'elle-même, parce que je ne peux pas imaginer une seconde que cette firme n'était pas au courant de la toxicité du produit en 2004, ne serait-ce tout simplement en étant très pragmatique que le Canada l'avait interdit dès le milieu des années 80. Ouais. Alors précisément, il a été intoxiqué par quoi et qu'a-t-il vraiment ? Alors par un herbicide, le lasso, un herbicide de Monsanto qui est utilisé sur le maïs. Mm-hmm. Et après avoir passé ce lasso, ça se passe dans une cuve, vous savez, c'est ce qu'on appelle un pulvérisateur. Donc il est parti faire quelque chose, il est revenu, il a ouvert la cuve. Ouais. Et là, il a été intoxiqué par le gaz qui s'est dégagé de cette cuve. Plusieurs comas, moi j'ai raconté son histoire dans mon livre, c'est absolument terrible parce que c'était un combat incroyable. Hein. Les centres antipoisons refusant de faire des certificats. Et là, on découvre que ceux qui dirigent les centres antipoisons sont aussi proches des toxicologues de Monsanto. Enfin, c'est toute une histoire absolument incroyable. Il s'est battu et je lui rends vraiment hommage parce qu'il a porté plainte contre Monsanto. Mmh. Il a gagné en première instance, en deuxième instance, et Monsanto est allé en appel parce que, en cours de cassation, parce qu'évidemment, c'est leur stratégie. Ils veulent décourager d'autres plaintes, vous voyez. Mais Paul continue et c'est vraiment une première très importante et ça inspire d'autres paysans dans le monde et j'en parle vraiment avec aussi, vous voyez, je suis née dans une famille de paysans, il y a beaucoup de malades dans mon entourage et et pour beaucoup, c'est important, vous voyez, qu'on sorte du silence. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a comme maladie? Donc, ça a dégénéré en une maladie de Parkinson qui évolue rapidement. Mais il fait aussi régulièrement des comas, des malaises, ça fait maintenant 12 ans, hein, donc. Et il a bien identifié que c'est à partir de ce moment-là, c'est clair. Ah oui, oui, bah, ça c'est, cuve, il allait très bien avant cet incident, il n'y a aucun doute là-dessus. Le dossier est très évident. Alors, puisqu'on parlait de la défense des victimes, déjà victimes ou victimes potentielles, je rappelle qu'en décembre 2015, un collectif international de juristes et d'ONG a lancé un tribunal international, hein, pour juger la multinationale accusée, on va dire, d'écocide. Voilà. Mm-hmm. Un joli mot d'ailleurs, même si il recouvre une notion dramatique. Vous pouvez nous parler de cette initiative? Oui, alors moi je suis la marraine de ce tribunal qui va avoir lieu donc à La Haye en octobre 2016. L'idée, ce sont donc des juristes internationaux. Il y a Corinne Lepage, par exemple, qui est dans ce collectif. Olivier Descuteurs, qui était l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Donc l'idée, c'est de créer un tribunal avec de vrais juges, de vraies victimes, de vrais avocats. Donc c'est un vrai tribunal dans le sens où c'est pas des gens qui vont jouer des rôles. Hein. Et l'objectif est double. D'abord, évidemment, évaluer la responsabilité de Monsanto, notamment dans un certain nombre de cas. On a parlé du Roundup, il y a aussi l'agent Orange, il y a aussi les PCB, etc. Et deuxièmement, contribuer à une réforme du droit international pour que soit reconnu le crime d'écocide. Écocides, notamment, ça veut dire tuer la maison commune. Hein, voilà, vous voyez. Et on a besoin de cet outil juridique qui permettrait de poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui en sont coupables. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas le faire. Le tribunal a prévu de se réunir à La Haye en octobre prochain, hein, je crois. Oui. Alors, vous savez que ces questions sont également politiques. Donc, je vais vous proposer d'écouter, on va écouter ensemble, un extrait qui date de 2011. C'est Manuel Valls qui parle lors de la primaire socialiste où il présente les OGM comme source de progrès. 15 ans après l'irruption du débat en France, les OGM suscitent toujours les réactions passionnées des pros et des anti. Au cours du XXe siècle, les catastrophes générées par le scientisme ont abîmé, on peut le comprendre, notre foi dans le progrès. Mais nous ne pouvons pas renoncer à son idée même. Nos civilisations, nos sociétés ont besoin de progresser. Si les dangers supposés des OGM sont sérieux, ils attendent toujours d'être démontrés. En revanche, les bénéfices espérés sont, eux, largement reconnu. Plutôt que d'interdire les OGM, de tourner le dos au progrès, je suis donc favorable au renforcement de la recherche dans le domaine des biotechnologies. Manuel Valls reprend-il les termes, finalement, de la communication de Monsanto et des fabricants d'OGM? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, peut-être vous allez nous le confirmer, ce sera ma dernière question, c'est qu'il y a un lobby très fort auprès de nos politiques, et j'imagine à Bruxelles, qui est quand même le sanctuaire des lobbies. Oui, énorme, énorme lobbying, permanent. Il ne lâche pas. Et les propos de Manuel Valls me font sourire finalement, parce que c'est d'abord une grande méconnaissance du dossier, parce que il parle des promesses des OGM, on les attend toujours, hein, parce que à part des OGM qui servent à vendre du Roundup ou des herbicides, ou qui servent d'insecticides, sont donc des plantes qui sont vraiment des plantes pesticides en fait. Il y a rien. Il n'y a rien d'autre. En revanche, on sait très bien, et l'ONU l'a montré, que nous pouvons nourrir le monde de manière très efficace avec l'agroécologie et avec des techniques qui respectent l'environnement, qui ne contribuent pas au réchauffement climatique et qui n'empoisonnent pas les paysans et les consommateurs. Et qui empêchent la bourse de bien se porter. Hein? Voilà, c'est ça le problème. Bah oui, c'est toujours ça. Il n'y a pas de brevet. Voilà. Il n'y a pas de brevet. Merci infiniment, Marie-Monique Robin. On aurait bien continué à discuter longtemps de cette thématique importante qui nous concerne tous. Voilà, il y a un moment où ça se termine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, la bataille des OGM. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la guerre des Malouines en 1982.